10. Conclusion. Il s'est écoulé 8 années depuis les événements qui font le sujet de ce récit. Marcel est revenu sergent, décoré et fidèle, mettre au pied de sa cousine ses galons, sa croix et sa constance. Thérèse est fière de se montrer au bras d'un mari qui la rend heureuse, et pour qui le signe de l'honneur n'est pas un vain objet d'apparat. Fulgence a épousé une riche héritière dont il mange la fortune avec des maîtresses. Mademoiselle Dorvaux s'est laissée enlever par un prince italien dont il s'est trouvé, au jour du mariage, que le père était un marchand de peau de lapin, natif de Saint-Flour. Georges est un des avocats les plus considérés du barreau de Paris. Tous les ans, il va dans l'Anjou consacrer une partie de ses vacances à ses bons amis, Clément, Thérèse et Marcel. Clément a promptement constaté qu'il n'avait point les conditions voulues pour réussir dans un monde où l'on donne le pas à la richesse sur l'honnêteté, à l'intrigue sur le travail, à l'habit sans talent sur le talent sans habit, à la beauté de l'étalage sur la bonté de la marchandise. Il a jeté la toge aux orties, il a échangé ses livres de droit contre des traités d'agriculture. Il est venu dire au vieux Jérôme « Voici mes bras, qu'on me donne une bêche et un râteau. » Aujourd'hui, le bien de la famille Toussaint est dégrevé de toute hypothèque. Des études intelligentes et une activité soutenue en ont même doublé la valeur. Il arrive quelquefois à Clément de dire à son bonhomme de père, tout émerveillé, « Si au lieu de vous ruiner pour faire de moi un avocat, vous m'aviez envoyé à Grignon, quel bon cultivateur je serais devenu, et cela ne vous aurait pas coûté si cher. »